Alors j'ai juste amené des chaussures parce que du coup j'avais plein de vêtements à donner mais ils les prennent pas ici malheureusement. Zenbaki guztietako zapetak hartzen dituzte, esten direnak, garbitzeko ta farmaziako produktuak, zauria garbitzeko alkola, konpresa esterilak, loturak edota biziraupenerako estalgiak, ninientzat ere garbitzeko eta jatekoak, baina txipienentzat, Christine Loke Baionako hautetxi eta zentro sozialeko presidente ordeak zehaztu digunez. Les produits pour bébés, c'est les produits de soins, les couches, le savon, le lait, du lait en poudre aussi. Et ensuite, on nous a également demandé des lampes torches et des chaussures, quelles que soient les tailles de l'enfant à l'adulte, et des chaussures fermées. Garrantzitsua baita elkartasuna adieraztea bere aurren zapetak ekarri dituen emazte honek adierazi digun bezala. C'est très important, on aurait aimé qu'on fasse la même chose pour nous. Diru emaitzak ere egin daitezke. Alors des chèques qui sont justement à déposer à la mairie directement à l'accueil de la mairie de Bayonne avenue Maréchal Leclerc. Eta diru emaitza horiek zergetatik kentzeko agiri bat emaiten du herriko etxeak. Marokoko enbasadarekin harremanetan dira biltzen dituzten produktuak gero han nola banatu aztertzeko Christine Loke. Pour l'instant, on a su quels étaient les besoins et nous travaillons sur le transport de tout ce que nous allons récolter. Ipar Baionako zentro soziala astelehenetik ostiralera idekia da goizeko 9:00 eguerditara eta oren bat erdietatik arratsaldeko 5:00.